On va maintenant rejoindre Raymond Poirier au bout du fil. Salut Raymond. Salut Michael. Donc, il y a eu une conférence sur les objets connectés et évidemment, tu y étais. Exactement. C'est un peu une première de deux sur le contenu du web à Québec dont l'édition 2015 avait lieu la semaine dernière. Et justement, la conférence sur les objets connectés m'a paru assez inspirante parce que j'ai l'impression que de temps à autre, dans les chroniques, on mentionne cet élément qui s'appelle l'Internet des objets et qu'on se donne jamais vraiment l'opportunité de développer outre mesure sur la nature de cet Internet des objets et surtout sur la nature des éléments portables, des éléments qu'on peut porter sur nous-mêmes au bout du compte. Oui, donc des éléments qui vont de la montre à des éléments beaucoup plus complexes ou plus, qui vont au-delà de la simple utilité quotidienne. Là. Oui, mais en fait, je vais te donner d'ailleurs quelques exemples en cours de route. Et d'emblée, en fait, c'est une conférence de Rachel Kalmar, qui est une spécialiste de ce pan, justement, de développement, et qui, en même temps, détient le record de la personne ayant porté le plus d'objets connectés en même temps, je pense, depuis pratiquement un an et plus. Elle a une trentaine d'objets connectés qu'elle porte en permanence. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de voir et de percevoir, dans le fond, c'est quoi les défis qui sont liés aux objets connectés, quel est le problème qui pourrait aussi émerger dans le développement de ce champ-là. Un développement qui est quand même assez imposant, là, parce que présentement, il y a une explosion qu'on voit autour des objets connectés. Il y a à peu près, 400 millions de d'objets connectés un peu partout dans le monde. Il y en a de plus en plus. D'ici 2020, on dit, regardez, il va y avoir 30 billions d'objets connectés. Un marché de 1,9 trillion de dollars, là, c'est essentiellement les attentes qu'il y a de la part, justement, du potentiel de ce domaine-là. Et évidemment, tout ça amène deux grandes questions. La première étant à savoir, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Comment on peut utiliser ces données-là? Est-ce que ces données-là peuvent nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux découvrir des éléments face à nous-mêmes, face à notre société? Donc ça c'est la question de départ, là, évidemment. Et l'autre question qu'on pourrait aborder, c'est pourquoi on les porte aussi au-delà de l'information? Est-ce qu'il y a d'autres motifs, d'autres raisons qui peuvent nous amener à vouloir porter des objets connectés. Là, c'est intéressant parce que on a quand même souvent parlé ensemble du traitement de ces énormes bases de données, mais c'était souvent d'un point de vue en tant que société, en tant que ville, en tant qu'entité ou en tant qu'État, mais là, on parle d'une utilisation qui est très personnelle, voire intime. Exactement. En fait, c'est déporter pour soi dans la mesure où là, on choisit justement de porter un vêtement, de porter un objet et que cet objet-là nous donne des données. Donc, c'est différent de la dynamique, par exemple, du toaster connecté qui est en mesure, lorsqu'il fait nos rôtis le matin, de chauffer en ayant le motif de la température qu'il fait aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il fait 20 degrés? On a 20 degrés qui est sur la toast. C'est différent de la dynamique des automobiles où on a des systèmes connectés pour la navigation, etc. C'est différent des systèmes de maisons connectées, de domotiques, où là, on est en mesure d'avoir des informations précises sur la température qu'on a de notre maison à distance et le reste. C'est différent aussi de pains de lait connectés qui sont en mesure de nous donner de l'information, à savoir combien il nous reste de lait, est-ce que le lait est passé date, ça fait combien de jours qu'il est là, c'est quoi la température du lait. Donc ça, c'est des éléments qui existent. Et évidemment, à ça s'ajoutent les objets qu'on peut porter sur nous-mêmes et qui nous renvoient plutôt un regard sur qui on est plutôt que ce qui nous entoure. Évidemment, dans tout ça, reste que si on se limite purement aux données pour un moment, il y a la grande question à savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en tirer, dans la mesure où pour l'instant, il n'y a pas encore d'unité de format. Quand on parle d'objets qu'on porte, souvent, ça vient mesurer, par exemple, la distance parcourue, les calories dépensées, ou beaucoup une situation un peu à caractère, entre guillemets, d'entraînement, de sport, d'activité physique. Mais encore là, il n'y a pas de consensus au niveau de l'industrie quant à savoir qu'est-ce que c'est un pas. Donc, comment on est en mesure de déterminer clairement, de manière précise, qu'est-ce qu'est un pas qu'est-ce qu'est un pas pour une compagnie n'est pas nécessairement un pas pour une autre compagnie. On n'a pas nécessairement les mêmes tableaux pour évaluer des calories dépensées. Donc, il y a, une certaine problématique de ce côté-là. Donc, ça demande une certaine standardisation et là, souvent les compagnies sont frileuses là-dessus. Ils aiment quand même avoir leur propre protocole. Oui, ils aiment avoir leur propre protocole, surtout que ça leur permet d'une certaine façon d'être propriétaire en ayant un peu moins de problèmes de ces données-là. Donc, dès qu'on s'entend sur un protocole universel, il y a la question aussi de propriété des données, donc qui se pose déjà, mais qui se poserait encore plus dans un contexte d'universalité. Donc, c'est à qui les données? Est-ce que ça m'appartient de savoir que je dépense, mettons, 400 calories par jour ou j'en dépense 1000? Est-ce que c'est à moi, ce chiffre-là, ou est-ce que c'est le chiffre à la compagnie qui me donne l'objet pour mesurer ces éléments-là? Donc, à qui ça appartient? Et de quelle manière, dans ce contexte-là de propriété, de quelle manière on peut le comparer, on peut le partager, on peut l'échanger dans un contexte où, au bout du compte, pour l'instant, du moins, le produit qui est vendu, c'est pas l'objet qui va me permettre de mesurer mes calories ou mes pas, c'est le fait de pouvoir les mesurer. Donc, c'est la donnée qui est le produit, c'est la donnée qui est vendue. Donc, nécessairement, ça amène certains questionnements par rapport à la propriété. Et en même temps, et c'est là l'aspect intéressant, ça nous amène aussi à tout le problème très large qu'il y a lié aux objets connectés. Dans la mesure où, pour l'instant, c'est la donnée qui est produite. Donc, si je veux avoir ces données-là, je vais m'acheter des vêtements connectés. Mais si j'ai pas d'intérêt à avoir ces données-là, il n'y a rien qui va me pousser particulièrement à choisir de porter un pas de maître pendant X temps de porter ce type d'outil-là. Donc, il faut aussi que l'industrie réussisse à pousser plus avant sa manière de mettre en marché. Et là, Rachel Kalmer faisait des gros parallèles justement avec l'univers de la mode en disant, ben, justement, les produits connectés ont beaucoup à apprendre dans l'industrie de la mode pour créer des vêtements qu'on porte d'abord pour eux-mêmes et ensuite parce qu'ils sont connectés. Parce que sinon, ben, tout ce qu'on fait, c'est rejoindre dans le fond un public qui est peut-être déjà un peu conquis, certes, un public qui est intéressé, qui est curieux à avoir ces informations-là, mais pas nécessairement le grand public au sens large du terme. Est-ce que vous avez évoqué pendant la conférence, est-ce que ça a été évoqué plutôt que... Est-ce qu'on sent qu'il y a une tendance, ou plutôt, est-ce qu'on sent un besoin chez la population, justement, tu parles, est-ce que les gens ont besoin de savoir, justement, combien de calories ils ont perdu en marchant, en allant au travail? C'est la question qu'on peut se poser. Il y a des intérêts, évidemment, à ça, et c'est un peu la réflexion que Rachel Kalmer portait. Donc, est-ce que, justement, il y aurait un intérêt à savoir au niveau de l'information santé? Donc, pour avoir en même temps des bénéfices sur les traitements qu'on peut avoir, sur des suivis médicaux qu'on pourrait avoir, etc., etc. Donc, évidemment, personnellement, il peut avoir un intérêt à ça. Je veux dire, on a un suivi en temps réel, par exemple, de notre état de santé, si on se limite à cet exemple-là. Mais en même temps, il y a la notion d'acceptabilité sociale de la chose qui n'est pas encore nécessairement intégrée. Pour la majorité des gens, ben, il n'y a pas nécessairement d'intérêt à avoir cette information-là, à avoir accès à cette information-là. Et le défi, c'est donc de les convaincre de cet intérêt-là, de développer la versatilité de ces objets-là qui, pour l'instant aussi, ben, tous les exemples qu'on sort sont limités un peu au spectre sportif. De sortir un peu de ce spectre-là aussi, de cette clientèle limitée-là, et aussi du style d'objet qui est lié à cette clientèle-là. Parce que pour l'instant, si on s'achète des podomètres, des mesureurs de calories et le reste, ben, ça va être d'apparence sportive. C'est plus le genre de truc qu'on s'achète chez un magasin de sport que chez un magasin de mode. Mm-hmm. Et dans ce contexte-là, nous a donné plusieurs exemples justement d'objets qui s'en viennent, qui risquent peut-être justement de changer un peu la donne de ce côté-là. On pense à des bijoux intelligents. Donc, des industries comme Ring Lee, comme Artemis, donc des bijoux qui peuvent nous permettre d'avoir justement un calcul sur des déplacements des éléments, des questions de sécurité, peut-être aussi pouvoir toucher de bijoux pour déclencher une alarme qui va nous permettre de nous sortir d'un faux pas ou de faire venir la police à l'endroit où on se trouve. Après ça, on peut aller un peu plus loin aussi, où il y a même des jouets sexuels connectés. Mm-hmm. On se retrouve dans une situation où on a une relation à distance, ben on peut utiliser ce jouet-là en l'actionnant par le téléphone pour créer des jeux entre partenaires. Il y a évidemment les montres intelligentes, donc la iWatch notamment d'Apple qui s'en vient. Toute la question de réalité augmentée, donc qui permet d'ajouter des textures, des couches à la réalité qui peut être intéressante. Et évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle le smart clothing, les textiles intelligents, qui n'est pas nécessairement encore parachevé, un coût quand même assez élevé, mais qui éventuellement déjà pourra intéresser peut-être pour des nouveau-nés, par exemple pour avoir l'état de santé en temps réel d'un bébé, pour avoir l'état de santé en temps réel d'une personne âgée qui a un suivi médical plus intense, d'un soldat, d'athlète, etc. Donc il y a quand même des pans de développement qui sont sont à surveiller, éventuellement, qui pourront peut-être même être intégrés à la peau, donc d'avoir des tatous intelligents, des éléments comme ça. Mais la question, c'est justement, et c'est ce que Calmer, disons, martelait, la question, c'est de développer l'acceptabilité sociale, développer l'intérêt de la population et de réussir à répondre à la question que tu lançais tout à l'heure, c'est-à-dire, mais pourquoi, au bout du compte, on voudrait avoir ces vêtements-là, pourquoi on voudrait avoir ces objets-là et pourquoi il nous les faudrait? Et qu'est-ce qu'on veut faire, au bout du compte, avec cette information-là? J'imagine qu'il y aura quand même certaines personnes dans des compagnies de marketing qui vont développer ce besoin-là. Raymond, la semaine prochaine, donc c'était une première de deux, on va se pencher sur quel angle la semaine prochaine? Ben, on va essayer de voir, en fait, il y a beaucoup de conférences qui ont été présentées qui mettaient de l'avant les grands changements, les grandes modifications aux manières de faire les choses, donc notamment dans le design, dans l'expérience usagée du web, mais aussi dans le monde réel, le commerce électronique et le reste. Donc, on va essayer de survoler de manière plus générale différents paramètres de changement qui sont amenés par le numérique. Alors voilà, donc on suivra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, Raymond. Ça fait plaisir. Bonne soirée. À toi aussi.